Les masses médias de divers pays ont traité les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un avec ses photos. L'agence de presse russe TASS, le réseau chinois La Planète, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, et les pages internet du Comité national nigérien d'études du Gimsunisme Gimsunisme et du Comité national d'études des études jutsu du Congo démocratique ont rapporté son inspection des centrales Kunmin de Wonsan. Le journal urgayen La Juventud et l'homepage d'internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections ont présenté son inspection de l'usine de souliers de Wonsan.